Mundo Rocks y... If you're looking for trouble, you came to the right place. She looked for call me last night. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. She said yeah. Vous c'était bien, ça c'est... Comme c'est comme ça. Yeah. C'est, gnignignign. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Yeah. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rock, c'est une spéciale quiz ce soir et on en a eu de la Dream Team. On en a eu de la Dream Team dans le quiz, mais alors ce soir, c'est l'histoire de la musique orléanaise qui est là, messieurs, dames, pour vous, pour décortiquer des albums. Mais oui, là c'est un high level. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Alors je vais vous présenter quand même. Nous avons évidemment Mathieu Malon qui fait partie de l'ADN de ces quiz et même dans The Rocks. Bonsoir Monsieur Malon. Eh bien bonsoir Manu, comment vas-tu? Je vais bien et je crois que tu vas bien aussi. Tu nous en reparleras un petit peu plus tard puisque tu viens d'achever quelque chose qui arrivera bientôt. Voilà, nous avons Monsieur Bill Rob. Je suis très heureux de vous retrouver, Monsieur Bill Rob. J'ai des boules de Noël dans les yeux, je louche. Voilà, mais merci Monsieur d'être venu ce soir. De rien, ça faisait un petit moment que j'étais pas mais venu. Mais oui, c'est vrai. Voilà. J'espère que tu as bien fait tes devoirs. J'ai fait ce qu'il fallait. Très bien. Et puis, alors là, last but not least, nous avons ici même Monsieur Roger Chauveau. Mais si je vous dis Roger Chauveau, bon, si je vous dis Roger Planète Claire, là, le standard explose. Bonsoir Monsieur Chauveau. Bonsoir Manu. Ça fait plaisir Roger. Ça fait longtemps que t'étais pas venu à ces micros. Ça fait bien longtemps. C'est vrai, on s'est pas vu assez souvent au micro. C'est vrai, c'est vrai. Et ben ça va changer. Donc le principe de quiz est toujours le même. Il y a 4 albums que vous avez écoutés évidemment jour et nuit en prenant des notes et le manque de sommeil se voit sur vos visages. Et on va les chroniquer, des albums qui sont sortis dans les mois précédents, on va dire, ou dans les semaines précédentes. Mais on va commencer par un petit coup de cœur. C'est un extrait de l'album des Insecure Men. Connaissez-vous ceci, messieurs? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un monsieur qui s'appelle Saul Adamczewski, qui était le leader, guitariste, chanteur d'un groupe qui s'appelait The Mitros. Alors, si vous connaissez pas l'album des Mitros, c'est vraiment, vraiment génial. Extraordinaire. Groupe anglais, morveux, punk, réjouissant, très, très bien. Ils ont fait un seul album, ils se sont séparés. Et ensuite, c'est un des gars de la Fat White Family. Voilà. Et donc, il fait aussi un side project qui s'appelle Insecure Men. Alors, c'est un survivant. À chaque album, on se dit tiens, il est toujours vivant parce que on a enfilé quand même un peu dans le cornet. Comme toute la bande, ouais. Comme toute la bande. Mais il est toujours là. Il vient de sortir cet album et très varié. Je vous conseille. Et puis il y a ce petit tube qui va démarrer l'émission. Vous allez pouvoir vous trémousser peut-être sur vos sièges. Ça s'appelle Cleaning Bricks. Après un autre petit morceau et on plonge dans l'univers de Quij. C'est parti et ça dure 1h30. C'est dans The Rocks. Oh. 45 ans, jour pour jour, John Lennon se faisait assassiner. Le 8 décembre 80, son influence se fait encore ressentir. C'est la preuve avec ce morceau des Mullins qui vient de sortir en collaboration avec très bon Triptides, que j'aime beaucoup. C'était From the Vine. C'était vraiment très très bien. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ces petites choses? Sympathique? Ouais, Insecure Man, super, le morceau très efficace. Ah ouais. Un peu, on pensait à Gary Newman, là, on entendait vraiment l'esprit de ça, et puis. Et moi, Blondie. Ouais, Blondie. Ouais, ouais, au ouais. Début. Un peu ouais. Ça. Moi, c'est rien. Bon, c'est Bill Robb qui vient de ne penser à rien. Belle affiche ce soir, monsieur Bill Robb, donc de l'Astrolabe et de Hop Hop Hop Festival, monsieur Mathieu Malon de monsieur Mathieu Malon et Tour Eiffel de la musique orléanaise. Et puis Roger Planète Claire qui a été notre dealer musical à tous. Pendant 33 tours. C'est ça, exactement. Vous êtes dans Quij et ses oreilles affûtées vont démarrer dès maintenant avec le premier album que je leur ai proposé, c'est celui de Miles Kane. Miles Kane, donc, qui a sorti un album, puisqu'on était dans les Beatlesry, on va y rester un petit peu, une carrière un petit peu en dents de scie pour Miles Kane, sixième album. Il faisait partie des Last Shadow Puppets avec Alex Turner. Il est toujours un peu dans l'ombre d'Alex Turner, on sent qu'il est un petit peu jaloux, il attend que son copain il lui fascine, mais il lui fait pas signe souvent parce qu'il a autre chose à faire, il a piscine, Alex Turner. Il a été également à la tête des Rascals, il a fait un super groupe où il reprenait justement des Beatles. Et puis là, il vient de sortir un album produit par le Phil Spector moderne un petit peu, hein, qui est sur un coup sur trois, c'est Dan Auerbach, des Black Keys. Il a plutôt fait profil bas le petit Miles Kane là-dessus, il était un peu intimidé par Dan Auerbach, donc il était un peu aux ordres. On va voir si ça se sent avec des musiciens chevronnés autour de lui, enregistrés aux États-Unis. Que connaissiez-vous, messieurs, avant qu'on se passe un morceau et que vous disiez ce que vous pensez de l'album, que connaissiez-vous de Miles Kane? En solo, pas en solo Moi je suis super fan du premier album de Last Shadow Puppets, alors que je suis pas du tout Arctic Monkeys à la base, mais vraiment quand cet album est sorti, c'était une putain de claque, et je pense même à l'époque sans doute l'album de l'année pour moi. J'aime beaucoup moins le suivant, hein, j'ai pas trop suivi, et puis je savais qu'il avait une carrière solo, mais je connaissais donc du coup évidemment forcément le nom Miles Kane, mais je n'ai écouté aucun des cinq autres albums, et c'est le premier que j'écoute. Ok. Il y en a un très très bon dans les premiers, je ne sais plus le titre, mais il y en a un vraiment très bien, que je te conseille. Oui, quand on le voit en photo, la pleine pochette, là, celui-là, je me souviens bien, parce que je l'écoutais plusieurs fois à la boutique. Après, ouais. Bon, je l'écoutais un peu. Ça me touchait pas franchement, mais ça me gênait pas, quoi, je dirais. D'accord. Mais je suis un peu comme Mathieu, la Shadow Puppet, oui. Et là, oui, parce que Arctic Monkeys, j'ai jamais accroché, ça en voix et tout, mais bon, il me manquait quelque chose, moi. Des morceaux, peut-être. Ouais. Monsieur Rob. Bah, un peu pareil, c'est-à-dire, il y a eu le premier album de la Shadow Puppet, et puis après, j'ai continué à suivre un petit peu, mais en fait, je décroche parce que, tu vois, je sais pas, à un moment donné, ça me... Enfin, j'avais décroché, j'ai plus suivi du tout. Puis là, tu vois, je vois revenir Miles Kane. Je savais même pas qu'il avait fait des albums avant, à vrai dire. Donc, je le redécouvre avec toi. Et puis voilà, quoi. Bon, bah, on en cause juste derrière. On va se passer le morceau Without You. C'est parti, on en cause juste derrière. L'album s'appelle Sunlight in the Shadow, c'est le dernier album de Miles Kane, il y a du Mark Bolan, il y a du Black Keys, mais est-ce qu'il y a du Miles Kane? C'est à vous de voir, messieurs. Qu'en avez-vous pensé de cet album qui démarre? Roger, je te sens, tu as l'œil qui frétille. Bah, oui, vois-tu, c'est pas du Miles Kane, c'est du T-Rex. Oui. Non, mais bon, c'est bien quand même. Après, c'est vrai que Love is Cruel ou Sunlight in the Shadow, c'est des morceaux, chansons sympathiques, quoi. Mais bon, après, c'est archi bien fait, ce que je disais. Mais il me manque un petit grain, pas de folie, mais quelque chose à mon goût, quoi. Mais sinon, oui, c'est parfait dans le genre, quoi. Il n'y a pas un morceau qui t'a accroché en particulier ou... Si, Without You, justement. Ouais. C'est marrant que tu mettes celui-là. Okay. Quoi. Puis après, si, évidemment, quand j'ai vu dans la liste Slow Def, je dis, c'est obligé que ce soit la reprise des Flaming Groovies. Et en fait, c'est vraiment la reprise des Flaming Groovies. Sauf qu'elle n'est pas vraiment à mon goût, mais chaque groupe fait à sa manière. Elle est un petit peu hachée menu, alors que Cyril Jordan des Groovies, c'est un côté très mélodique. Donc c'est vrai que là, on s'éloigne du mélodique, mais comme je dis, chaque groupe a sa manière, quoi. Ok. Monsieur Malon ? Oui, ben je vais pas dire grand chose de différent. C'est un album qui s'écoute avec plaisir. C'est une déferlante de choses très très bien faites. Ce qu'on disait en off, chaque instrument est très bien choisi. C'est l'instrument qu'il fallait au bon moment. La production est parfaite. Le batteur des Black Keys et son groove rock, c'est enfin, on le reconnaît presque hein, quand on entend le son de batterie. Ah bah, on reconnaît le son des Black Keys. Donc voilà, ça vale vraiment sans broncher. Moi, par exemple, j'adore le morceau Blue Skies, quoi, que je trouvais super. Et puis, j'ai noté I Pray aussi, qui est super bas du front. Mais justement, c'est peut-être justement ça, quand il est plus bas du front, que c'est bien, plutôt que quand il essaye de faire de l'orfèvrerie ourlée. Voilà. Comme dans les Last Shadows Puppets, quoi, quand il y avait deux accords, un refrain hyper efficace, et là, ça marche. Donc là, je crois qu'il a voulu faire un peu plus. Et c'est peut-être là que ça rate pour moi. Et puis, en fait, plus je l'écoutais, et plus je me disais. Ah, mais il y a quand même plein de similitudes avec Supergrass et Gaz McCoots. Mmh. Et en fait, moi, voilà, je suis plus dans cette écurie-là du gars qui est pop, quoi, que le gars qui est rock. Et c'est ça qu'on entend dans ce disque. C'est plus de, c'est voilà, c'est le côté rock. Et je crois que je préfère le côté pop de cette même musique, hein, voilà. Donc. Et tu retrouves peut-être sur le dernier morceau, peut-être? Walk the Ocean? Ouais, voilà. Ah, c'est très beau, ouais, c'est très beau. Ce final est parfait. La dernière note, là, que, j'adore la fin. J'adore comment je finis ce disque. Voilà. Donc je vais pas dire que ça me déplaît, c'est un disque que j'ai écouté avec plaisir et merci, je l'aurais pas écouté sans venir à Quij. Mais voilà, il a ses limites et les limites c'est ça, c'est celles que Gaz McCombs lui arrive à dépasser. Oui. Monsieur Rob. Eh ben moi écoute, sans toi j'aurais jamais écouté cet artiste. Hein, tu sais que c'est pour ça que tu viens. Je te remercie. Hein. Non mais moi j'ai trouvé ça plutôt un très très bon album, on va dire. C'est plaisant à écouter, peut-être même trop plaisant. Ce qui fait que tu l'oublies assez vite en fait, tu vois. Donc moi, enfin, quand je dis ça, c'est que je rejoins un petit peu mes camarades. C'est hyper bien produit. C'est des mélodies absolument admirables. Il y a tout ce qu'on aime potentiellement dans le côté un peu, je sais pas, rock psychédélique qui peut exister dans ce type de musique. Moi, ça me fait penser à des trucs à la Beck aussi, des choses assez traditionnelles, on va dire, mais qui fait qu'effectivement sur la longueur tu te dis tiens, est-ce que j'ai envie de le réécouter, ben pas forcément, enfin tu vois, est-ce que j'ai envie de mettre un morceau dans une de mes playlists, ben pas forcément, tu vois. Donc après je dis pas que j'ai passé plutôt un bon moment d'écoute et je rencontre un artiste, donc c'est toujours plutôt chouette. Et puis j'espère effectivement qu'il va retrouver Alex, hein, et puis que qui va se repasser des trucs, on va dire, quoi. Ah, c'est pas sûr, ça. Ouais, c'est bien vu, le Beck, de parler de Beck, parce que voilà, y a plein de similitudes avec Beck, mais voilà, pareil que ce que je disais pour Gaz McCombs, il manque la folie de Beck. Ouais. Beck, il apporte un son, ça part en vrille, il y a un moment toujours. Ouais. Et là, il n'y a pas ça. Il y a toujours être fidèle un petit peu au modèle de ce qu'il a écouté toute son enfance. Et c'est peut-être ça qui fait. C'est dommage. Voilà, il manque. C'est ça, c'est très normatif, quoi. Tu vois, donc t'as voilà, pas vraiment de surprise. C'est bien foutu, c'est bien gaulé. Voilà. Tu prends un bon moment, t'as du bon moment à l'écouter, puis voilà. Mais c'est un mec. Comme tu dis aussi, oui, c'est vrai, on a plaisir. Mais le problème, c'est que on va écouter autre chose et tout de suite, on va avoir plus fort au cas où. Donc c'est ce qui fait que ça éteint un peu le Miles Kane, quoi. Ouais. Même s'il fait un beau truc, on a dans la tête, on écoute tellement de choses tous les quatre. Qu'on a vite dépassé Miles Kane sur autre chose. Oui. C'est un bon faire-valoir, en fait. C'est-à-dire que, avec Alex Turner, moi, c'est pareil, hein. Je suis pas très Arctic Monkeys et j'ai adoré le premier de tous les deux, là. Mais il le bouffe quand même un petit peu. Et puis là, je trouve que sur certains morceaux, il se fait bouffer par Dan Auerbach, carrément. On a l'impression d'entendre un morceau des Black Keys. Et ce qui est quand même étonnant. Enfin, les Black Keys qu'à partir de Camino. Oui, voilà, mais enfin, il y a un ou deux morceaux où c'est assez flagrant. T'enlèves la voix, tu mets celle de Dan Auerbach et t'as l'impression que c'est les Black Keys, quoi. Et puis Camino, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Ouais. Oui, mais c'est déjà plus pop, faut écouter avant. Ouais. C'est plus riche. Bon, alors Miles Kane s'en sort avec de justesse. Je vous conseille l'album. Alors, le premier est très bien, effectivement, Roger. Mais Don't Forget Who You Are, qui moi pour moi est un bel album aussi. Je vous conseille d'aller l'écouter. Celui-là, voilà. Moi, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que c'est des sucres rapides, Bill. C'est-à-dire ça, que voilà, c'est-à-dire ça. C'est pas des sucres lents. L'homme de radio, c'est pas des sucres lents. C'est-à-dire que mais pourquoi tu nous invites? C'est vite digéré. T'avais trouvé. Mais en sucre rapide, moi, je me souviens quand le premier album d'Oasis est sorti. T'avais envie de l'écouter, de le réécouter et tout. Et moi, j'appelle ça des albums sucre d'orge. Parce que t'adores ça. Et puis, tu t'en fatigues au bout de 8 jours. Mais quand même, tu y reviens parce que c'est tellement fort. Je dis Oasis parce que c'était un cas extrême à cette époque-là, mais c'est tellement fort que t'auras toujours... Tandis que là, Miles Kane, à la limite, tu vas le réécouter parce que tu... Ah oui, j'ai ça, tiens, aujourd'hui, je sais pas trop qu'à écouter, mais j'ai un simili un peu bon souvenir ou quoi, et donc je vais me réécouter le Miles Kane. Ouais, mais je suis un peu d'accord aussi avec Mathieu, c'est que ça donne envie de réécouter Supergrass. C'est un peu le problème. On n'oublie pas. Puis les albums de McCombs solo, oui. Le dernier en date est prodigieux, et l'avant-dernier encore, peut-être encore mieux. Mm. Miles Kane, donc, c'était ce soir le premier album dans Quij. Et puis, j'ai demandé à mes trois invités d'apporter un petit morceau coup de cœur, Madeleine ou ce que vous voulez. Bon, on va commencer par toi, Mathieu, qui m'a apporté un morceau un peu mystère. D'abord, deux, trois mots sur l'album que tu viens de finir d'enregistrer. David Fecknam, avec ses poireaux à la main, m'a dit, ça y est, c'est fini. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est parti au mixage. Ça va sortir l'année prochaine. Ouais. Mais j'en dis pas grand chose pour le moment, trop. Parce qu'il y a plein de choses qui sont encore mystérieuses. Mais t'en as dit un peu sur les réseaux, ou t'avais l'air assez satisfait quand même? Ah ouais, c'est la suite de Bancal, de l'album d'avant. Donc, ça change pas de couleur. Ça va un peu plus loin parce que, Bancal, ça m'a permis de jouer en groupe, de retrouver le truc de groupe. Le plaisir du groupe. Avec les Griff et David et Sébastien sur scène, et je crois que du coup ça m'a donné envie de concevoir l'album autrement aussi, en pensant déjà aussi à jouer du live et tout. Ouais. Donc il y a de la vraie batterie, ce qu'il n'y avait pas sur Bancal. Il y a plein d'invités, il y a une dizaine de personnes invitées, ce qu'il n'y avait pas sur Bancal, j'étais tout seul quoi. Il y a de la trompette? Il y a de la trompette, des violons, de la guise, voilà, plein de choses. Et de la batterie. Il y a deux batteurs Oui, j'ai appris ça, deux batteurs, en concurrence. Donc voilà, ce sort l'année prochaine, et en deux parties normalement. Voilà. Ah! Ok, donc deux pochettes. Ouais. Déjà cogiter les pochettes. On est en train d'y penser. Bon bah tu nous feras signe. Mmh, hein? Bien sûr. Et puis là tu nous as fait signe avec un petit morceau. Je ne sais pas ce que c'est, donc je te laisse annoncer. Bah ouais, je suis un fan des tops de fin d'année. Hein, je fais ça depuis que je suis ado. C'est la semaine prochaine. Là je suis dans mes tops. J'y commence à réfléchir. Je regarde ce qui s'est passé cette année et bon il y a plein de trucs. C'est une année riche. C'est une bonne année. Ah ouais, c'est une année très riche pour le français notamment. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses qui se sont passées de très intéressantes. Mais là j'ai pas choisi ça. J'ai choisi ce que je pense être l'album qui m'a le plus touché, parce que ce mec me touche dans tous ses 10, c'est son 11e album, c'est Mika Peinsan. Je suis vraiment un fan absolu de tout son univers, et ça c'est extrait de son dernier album, et ça me fait chialer à chaque fois que j'entends cette chanson, notamment Walls. Ah merde, Roger, t'as un mouchoir? Parce que je vais envoyer là. Bon, c'est parti. Leave them down, 'cause they'll make whole of things we'll never know. Oh, we can leave them down, 'cause they'll make whole of things we'll never hold. And I saw you were coming. How little we knew. And you saw me, I was running. How little we understood. Can leave them down, 'cause they'll make home with things will never hold at our walls. We can leave them there, 'cause they'll make home. Of things we'll never know. And you saw me, I was coming. How little we knew. And I saw you, you were coming. How little we Céleste, c'était Mika Pinson, choix de Mathieu Malon ce soir. L'album s'appelle The Tomorrow Man. Et franchement, Roger, commencer la journée avec Hervé Villard et la finir avec Mika Pinson. Quel voyage. Oui, c'est toujours des grands écarts. J'ai pris le petit déjeuner avec Hervé Villard ce matin. Oui, et puis je pourrais vous dire pas mal d'autres noms. Mais heureusement, j'avais mis Golden Brown. Bon, c'était sur une antenne concurrente. Vous êtes toujours dans The Rocks et dans Quij. Il nous reste trois albums à décortiquer et bah, celui-là, on l'attendait avec impatience et on se doutait bien qu'il allait décrocher la timbale. C'est pas une timbale qu'il a décroché, c'est une grosse cuve en téflon hein, quand même. C'est Andrea Laszlo De Simone. Il a été à la une de tous les magazines partout. C'est incroyable. Hein. On en a mangé, il était partout, le Turinois. Donc italien évidemment. Troisième album. Moi, j'avoue que je l'ai redécouvert comme beaucoup de gens un peu tard avec Le Règne Animal, pour lequel il a eu un César. Il ne fait plus de concert pour l'instant. Son dernier, c'était au Trans de Rennes. Il a dit après, j'arrête, je m'occupe, je viendrai à l'Astrolabe peut-être, mais pas maintenant, il a dit. Bah oui, il a dit qu'il viendrait pas même au Trans. Moi, je l'ai pas vu au Trans, Mathieu y était. Et c'était. Et vraiment, sur scène alors, du coup? Bah, un truc de malade, quoi. Bah oui. Ouais, vu quelque chose vraiment exceptionnel et voir. Voilà, enfin, tu vois, tout le monde en parlait comme une sorte de. C'est là où il a été réellement révélé au public français, on va dire, hein, tu vois, à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et c'est même là où, tu vois, moi, j'ai commencé à l'écouter parce que Mathieu l'avait ramené dans sa petite besace. Donc c'est un poil frustrant, les amis, sur scène. En tout cas, on a l'album qui vient de sortir. On a Lunghissima Ombra, mélange de musique très cinématographique, un peu d'Ennio Morricone, et puis de chansons italiennes des années 60-70, tout ça mélangé. Donc toi, tu connaissais, puisque tu viens de nous le dire, Bill, mais messieurs, connaissiez-vous, j'imagine, oui, avant ce soir? Pas du tout. Tu as découvert. Oui, et puis je suis pas allé jusqu'au bout du disque. Ok, là, faut pas le dire. On le dira après le morceau. Mathieu. Chacun son avis. Oui, Mathieu. Oui, depuis l'album d'avant, et puis le Règne Animal. Le Règne Animal, moi, parce que, ça m'intéresse pas trop. Le film y compris, j'ai pas trop aimé. Mais le premier album était déjà super, très intrigant. Déjà un petit peu long à mon goût, mais bon, je m'avance aussi, je vais pas en parler tout de suite. Voilà. Bon, alors un peu compliqué de choisir un morceau, puisque c'est un parcours, hein, ce disque quand même. Donc voilà. On va se passer une sorte de petit tube. C'est le morceau de La Notée. Et on en parle juste derrière, mais je crois que vous avez compris que Roger Chauveau de Planète Claire a déjà son avis. De son dernier album, c'était Andrea Laszlo de Simone, c'était La Notée. Eh bien, qu'en avez-vous pensé, messieurs, de cet album long ? Roger ? Ah, moi, je te dis, je ne suis pas allé au bout, mais après, dans le sens où, comme je dis, j'écoute, et puis quelque part, j'attends presque qu'il se passe quelque chose. Là, sur ce morceau-là, ouais, c'est sympa, petite mélodie et tout. Voilà, mais après, bon, j'écoutais, puis je dis mince, je veux pas dire ça commence quand, mais oui, j'attends quelque chose, un signal quelque part, quoi. Pourtant, j'écoute des trucs posés, hein, comme Tuxedo Moon, voilà, c'est quand même très posé, mais je trouve qu'il se passe quelque chose. Et là, je dirais que j'attends un peu, après, bon, je suis peut-être pas réceptif au top de ça, quoi. Tu t'es endormi au milieu ou... Ah non, je ne me suis pas endormi parce que je suis passé à autre chose dans tes chroniques. Bill, monsieur Rob. Ben moi, disons que ouais, je l'attendais quand même avec impatience cet album parce que voilà, depuis Le règne animal, il n'avait pas fait grand-chose. J'avais pas trop kiffé, je rejoins un petit peu Mathieu, moi j'étais pas trop rentré dans l'album sur Le règne animal qui lui a donné un petit peu aussi une vraie existence sur la scène hexagonale, on va dire. Mais donc j'attendais plutôt impatient. J'avais encore en tête des titres comme Vivo, Immensita, qui est un titre absolument incroyable aussi de ses albums précédents, etc. Alors je serais pas aussi radical que Roger, mais t'es allé au bout. J'étais au bout, mais putain c'est long. Hein. On a mal aux pieds. Hein. Ah dis donc, ouais, alors là t'es sucre lent, hein, tu vois, pour le coup. C'est un marathon et tout, tu vois, mais oui, alors t'as quelques morceaux comme ça, tu vois, dont celui que tu viens de passer, tu vois, qui viennent un petit peu rehausser l'album, et puis te remettre tout d'un coup, te réveiller un petit peu, etc. Et puis tout d'un coup, tu tombes sur des sortes d'intermèdes musicaux entre 50 secondes, je crois, 1 minute 40 au milieu du disque. Tu dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Voilà, enfin, je dis pas, tu vois, c'est pas mauvais, loin de là, parce que c'est un grand artiste, mais ouais, j'ai trouvé, voilà, que c'était... sur la longueur, un peu ennuyeux quand même, dans la manière dont est construit l'album et dans l'histoire que tu vois, un album, c'est une histoire. Enfin, alors, il y avait peut-être plus ça à l'époque des vinyles où les mecs, ils te disaient, voilà, j'ai 45 minutes pour mettre 10 morceaux sur mon album, qu'est-ce que je raconte, comment je mets ça en forme, etc. Là, t'as l'impression que c'est une succession de titres où il met quelques intermèdes, ok, tu sais produire de la musique, que c'est cool et tout, mais tu vois, ça 67 minutes de quelque chose où tu vois pas trop vers quoi il veut t'emmener, j'ai trouvé ça vraiment un petit peu long, quoi. Ce qui n'empêche pas que je pense que c'est un très bon artiste, un bon producteur de musique, mais je trouve, voilà, un petit peu raté sur la longueur, on va dire. Ouais, voilà, je rejoins pareil. Il aurait pu, enfin, je suis plus avec Fred que côté Roger, parce qu'il aurait pu en faire tellement autre chose et en faire un bon disque s'il avait raccourci le propos. Moi, j'ai regardé toutes les chroniques. Tu disais au début, mais c'est vrai que ça a été l'avalanche. L'attaché de presse française, il ou elle a fait un travail exceptionnel. On peut le féliciter. Et j'ai lu dans Télérama qui fait une super chronique, mais à un moment quand même qui met un album rempli à ras-bord. Oui. Et ben voilà, c'est ça. Et donc moi, ça m'a fait tout de suite penser à le boucher qui te dit il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Voilà. Et je voulais résumer le disque comme ça. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'il s'est dit j'ai tout ça, je veux pas choisir, je mets tout. Et puis en effet, il met des petits trucs au milieu pour essayer de donner un espèce de sens, une construction qu'il n'y a pas. Et je crois que c'est Fred qui a dit ce truc-là. Et c'est aussi le résumé pour moi de ce disque, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. Et c'est une succession de trucs très bien faits. Je suis un orfèvre. Là, il rejoint Miles Kane. J'ai tout à ma dispo. Je sais tout faire. Je le fais très bien. Regardez. Mais bon, alors voilà, ça marche sur Quando, le morceau est génial, ça marche sur Perté, la ritournelle sifflée à la fin, c'est merveilleux, on se croirait avec les films de Morricone. Voilà, ouais, il y a du Morricone, ouais. Mais Sergio Leone. Les films de, je vais pas retrouver, ouais. Mais le voleur de bicyclette. De Stika. C'est pas ça que je voulais dire, ça me viendra plus tard. Voilà. Donc, j'ai passé un très bon moment et puis, pareil, quand c'est fini, je me dis à quoi bon, en fait. Je sais pas quoi dire de plus. 67 minutes, pour moi, c'est pas possible en 2025 de faire un disque comme ça. Alors, c'est quoi le problème? Il a les pleins pouvoirs. Il lui manque qui est-ce qui lui manque pour lui dire enlève un peu de ton boucher là, de ton. C'est un producteur? Ouais, je sais pas. On l'empêche de sortir un CD, mais on lui tant fait mieux, un à la limite, tant mieux, il fait ce qu'il veut. Il a, il a le director's cut, alors qu'il en profite. Ouais. Mais peut-être. Et ça marche. Ça marche. L'album marche bien. Alors moi j'étais, je suis un peu désarçonné avec cet album. J'ai eu le syndrome du c'est moi ou bien. C'est-à-dire que tout le monde autour de moi adorait, trouvait ça super, et j'avais l'impression de passer vraiment à côté du truc, quoi, en me disant attends, j'ai pas. On était copains. Excusez-moi. Alors voilà. Et puis, pour tout vous raconter ma petite vie, je suis allé en vacances en Corse avec des copains, et eux, ils adoraient, donc ils l'ont mis en boucle, c'était la bande originale de la semaine, quoi. Et au bout d'un moment, eh ben, ça a infusé avec, alors, faut aller en Corse, peut-être. Mais ça a infusé avec l'ambiance, les paysages, tout ça, c'était très cinématographique. Voilà, c'était ça. Et je me suis mis à aimer l'album, en me disant, ah ouais, non, quand même, c'est vachement beau, c'est super bien et tout. Et pour préparer l'émission, là, je l'ai réécouté plusieurs fois, et ah, bah, pareil, comme vous, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça. Alors, il y a des moments, ça fait un peu désuet, j'ai envie de partir en vacances en ami 8, en 1968, en 78, à se cramer les fesses sur des sièges, sur la Nationale 7, quoi, en mangeant des petites glaces à l'eau, hein. C'est un petit côté suranné, comme ça. Mais je pense que tu dis, tu vois, moi, j'avais eu un peu le même truc sur les premiers albums où j'étais en vacances et où ça marche très bien dans le truc un peu cinématographique de quand tu roules, quoi. De ton environnement ou des paysages que tu peux voir ou des vues que tu as, etc. Et ça fonctionne très bien. C'est vrai que t'as l'impression d'être en Italie près des cyprès en train de boire, je sais pas, un truc à l'italienne, quoi, tu vois, un spritz ou je ne sais quoi. Enfin, t'as un truc qui fait que, mais la route est un peu plate, voilà, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup de côtes et de descentes, c'est un peu plat, la route, quand même. C'est sympa, voilà, mais. Chez toi, au bout d'un moment, tu te dis bon. Ok. Bon, et ben voilà, c'était André Laszlo De Simone. Il nous reste deux albums à parcourir dans Quij. Et Monsieur Rowe, puisque vous aviez la parole, et ben ça va être votre choix maintenant de morceaux que vous nous avez apportés. Petite question d'abord à l'Astrolabe. Alors, cet Astrolabe 2027, ça y est, ça prend forme, ça, on y va. Ce sera certainement 2028. Voilà. C'est-à-dire que oui, on est en plein dans l'action, je dirais, pour construire ce nouveau temple musical. On espère que les travaux commenceront à l'automne prochain, donc c'est quand même dans presque un an, ouais, on va dire. Ouais. Et il y aurait 18 mois de chantier, mais voilà, on essaye de penser un lieu qui serait pour le coup visible. Donc je vous rappelle que ça fait 27 ans qu'on est dans un lieu invisible. Oui. Hein. Oui. Donc on ne sait pas où est l'Astrolabe pour bon nombre d'Orléanais, oui. Mais c'est où. Donc là, voilà, il y aura quelque chose qui sera visible, pas très loin d'ici, avec, on l'espère, une vraie. On a envie vraiment de créer une vie musicale nouvelle à l'intérieur de ce lieu, que ce soit en termes de concerts, de création musicale, d'accessibilité pour venir boire un verre, découvrir la musique, découvrir des artistes, rencontrer des gens, voilà, d'en faire un lieu peut-être un petit peu d'une, je dirais pas d'un nouveau genre, mais pour Orléans, oui, ça serait un petit peu nouveau dans le sens où l'Astro était ouvert qu'à partir, on était dans notre tour d'ivoire et on était ouvert qu'à partir du moment où on avait des concerts, quoi. Donc la musique, c'est pas que ça, tu vois. Un lieu de vie, aussi de la rencontre. Ouais, il y a vraiment cette idée de lieu de vie et de comment, tu vois, il y aura un jardin qui jouxtera aussi la salle, qui sera, avec la possibilité d'y mettre une scène, de faire des concerts, des concerts de plein air, un club de 270 places, une grande salle qui fera 1200 places en assis debout. Là, vous êtes à combien, là, une grande salle? On est à 570. Oui. Et qui pourrait être, on l'espère, étendue. C'est-à-dire qu'on a envie aussi de privilégier l'idée, les musiques électroniques, donc en essayant, voilà, d'aller sur des logiques de grands clubs électro avec la possibilité que la scène devienne aussi un espace pour le public. Donc voilà, c'est de casser un petit peu des codes, même des SMAC actuels, comment on crée quelque chose qui est peut-être pensé un petit peu différemment et qui fait la part belle justement à des musiques qui n'ont pas forcément toujours... tu prends l'électro, c'est compliqué pour l'électro d'exister dans des salles comme les nôtres, hormis sur des lives ou des choses comme ça. Mais ce qui fait que ça crée aussi des formes de déviance. Donc on imagine peut-être des choses comme la warehouse avec des boiler rooms, avec des grandes soirées comme ça, des battles de hip-hop centrales au milieu de la salle, peut-être pas forcément que sur scène. Et puis des concerts traditionnels, toujours cette logique de club et d'exploration musicale. Il y aura une petite scène également dans le hall. trois lieux de concert. En fait. Voilà, mais qui sera vraiment, qui fera que 16 mètres carrés, mais qui est un peu inspiré de ce que de ce qu'on avait vu à, au Great Escape avec Mathieu, où ils ouvraient un garage et puis t'avais des groupes qui jouaient au kilomètre, en gros. Puis toi, tu buvais des canettes de bière à 3 livres, tu vois. Et en fait, t'avais pas besoin d'avoir, enfin, tu vois, presque, t'auras ces grandes salles, certainement incroyables, équipées de manière incroyable, etc. Puis on a envie quand même de garder un côté un peu roots de ce qui nous excite, enfin tu vois, parfois dans la musique, je sais pas, moi j'ai le souvenir d'un concert de Dietz qu'on avait fait au Pop-Up il y a quelques années, on les avait revus 2 mois après ou 1 mois après au Mama, et ils jouaient, en fait ils jouaient pas du tout au Mama, ils jouaient en face de chez le disquaire qui est proche de la rue Pigalle, enfin de Pigalle, et c'était une tente blanche et les mecs ils jouaient à l'arrache et c'était un des meilleurs concerts qu'ils aient fait, quoi, tu vois. Donc on a envie aussi d'avoir un peu ce moyen de surprendre les gens, et que ce soit que chaque jour soit une aventure dans ce lieu, quoi. Donc après moi je commence à être un vieil homme, donc il faudra bien que je lègue ensuite cette affaire à plus jeune, quoi. Donc ça sera un autre sujet dont on parlera un peu plus tard, quoi. D'accord. Bon, bah, tu viendras en reparler ici. Avec plaisir. Est-ce que tu as choisi la couleur de la moquette de ton bureau? Absolument pas. Non, et ben voilà. Par contre, on parle beaucoup de l'ambiance, de l'atmosphère à l'intérieur du lieu. Parce que je pense que c'est vachement important. Qu'est-ce que tu donnes à voir aux gens quand ils rentrent dans le lieu? C'est-à-dire, est-ce que t'es comme un hall de certains théâtres, froid et inerte où il se passe rien? Ou est-ce qu'au contraire, dès que le public rentre dans ce lieu, il sent qu'il va en découdre, quoi. Tu vois, comment tu crées tout d'un coup une sorte d'adrénaline en disant... Et c'est vachement important aussi de réfléchir à ce que tu donnes à voir sur ton club. Il se pense pas qu'au niveau des salles de spectacle, il se pense aussi sur ce que... Quand tu rentres dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, tu vois, et qu'est-ce que tu essayes. Et ça, il y a un vrai travail à faire avec les architectes pour sur les matériaux, sur... l'agencement des espaces, sur l'ampleur que tu donnes aussi au lieu, à certains endroits. Est-ce que tu as des choses un peu monumentales, tu vois, plein de trucs qui et puis à la circulation, comment tu vas d'un point A à un point B, comment tu crées de la volumétrie. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut imaginer, qu'on essaye de penser avec les architectes en amenant des exemples, en donnant des matériaux qu'on aimerait retrouver, etc., etc. C'est intéressant, hein, c'est passionnant même. Beau terrain de jeu. Ouais, c'est un beau terrain de jeu. Bon, j'espère que ce soit pas raté. Bon. Un quiz spécial. On va chroniquer la salle. Alors. Voilà. Ouais. Alors, tu nous as apporté un morceau ce soir, et je te laisse l'annoncer. Alors, je sais plus le nom. Get Down Services. Je me souviens du nom de l'artiste, mais Doc Dribble. Voilà, exactement. Get Down Services, on écoute ça pas mal en ce moment. C'est un groupe qui nous gratte un petit peu. On se dit, tiens, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Et voilà, c'est un groupe, c'est des Anglais de Bristol, donc autre patrie de la musique anglaise. Ça part bien, voilà. Une des meilleures. Ça part bien. Voilà. Et puis voilà, ça nous gratte un petit peu, donc on se dit voilà, on essaye de voir ce qui est possible pour essayer de les pécho, quoi. Ouais. Tu vois. Avant qu'ils arrêtent leur concert, voilà. Je me suis dit, autant j'avais hésité avec The 113, mais vous connaissez tous The 113 parce que vous êtes tous venus au Pop-Up les écouter. Yes. Donc j'ai dit, autant voilà. Teaser un peu. Teasons et gratouillons. I thought, what would it do? Ah oui, c'est très bien ça. Ça vous a plu. Ah oui, très bon choix. Bon. Ça m'a bien plu. Donc peut-être bientôt à l'Astrolabe. Ouais, ou un petit festival dont on a le secret. Bon. Qui sait. Très bien. Eh bien, très bon choix. Je viens de recevoir un message. Bonsoir, je suis l'attaché de presse de André Laszlo de la Simone. Je suis fâché par vos propos. Mais c'est signé David Bost. Donc je pense que c'est un qui vous en. Quelle plaisante. Quelle plaisante. Salut David. Vous êtes toujours dans Quij, dans On The Rocks, et il y a deux albums qui sont déjà passés à la moulinette. Voici le troisième. Alors attention à ce que vous allez dire, à pas fâcher Nénès. Bruce Springsteen a sorti, alors il a quand même sorti, le gars, 8 albums inédits dans l'année. Donc quand même pas mal, hein, des vrais albums inédits. Et celui-là, c'est l'album où il revisite un peu Nebraska, qui était sorti en 1982. C'est l'album de Springsteen que généralement adorent les gens qui n'aiment pas Springsteen. Et les gens qui aiment Springsteen l'adorent aussi, donc tout le monde l'adore cet album. L'histoire est bien connue, il était entre The River et Born in the USA. Et puis il a décidé de se reconnecter avec lui-même parce qu'il sentait que la grosse vague allait arriver très très vite. Et il a enregistré cet album Nebraska. Tout seul sur un petit enregistreur un peu pourri, un Tascam. Voilà, merci Mathieu. Et ensuite il est allé en studio avec le Street Band et il a essayé d'enregistrer tout ça et ça ne marchait pas, ça n'allait pas. Il a quand même fait un geste quand même très très audacieux de sortir les démos telles quelles. Bon, il s'appelait Bruce Springsteen, donc tout le monde lui disait oui, mais en faisant la grimace. Et ben ça a été un gros succès, cet album. Et puis il y a quelque temps, il y a eu une interview avec un journaliste de Rolling Stone Magazine qui lui a posé la question: est-ce que les versions électriques de Nebraska existent? Et il a dit non, il y a rien, ça existe pas. Et puis en rentrant chez lui, il a dit bah quand même, je vais aller vérifier. Et ben, finalement ça existait. Donc comme quoi les interviews des fois ça peut porter des trucs. Et il a donc sorti ce coffret Nebraska avec un live enregistré avec les morceaux de Nebraska mais enregistré cette année, les démos et puis ces versions justement électriques enregistrées avec le Street Band. Donc je vais pas vous demander si vous connaissiez Bruce Springsteen avant, mais quelle relation avez-vous avec le boss, messieurs? Je suis pas un énorme fan. Il y a quelques disques pour moi qui sont essentiels de Springsteen, mais et même vers la fin là, il y a un album avec les chevaux là qui est sorti il y a pas très longtemps, oui, qui est vraiment sublime, que j'adore. D'accord. J'écoute beaucoup. Je sais plus le nom. Et bien, oui. Moi, Springsteen, j'ai eu la joie de le voir en concert en 87. Trop bien. Voilà, mon rapport avec Springsteen, c'est ça, c'est que quand je débutais un peu dans ma culture musicale, j'avais 15 ans, je me le suis pris en pleine tournée face. Tunnel of Love. Ouais, un truc vraiment incroyable sur scène. Quoi. Ouais. Bah, moi, disons que c'est... Alors, je rejoins pas Mathieu forcément, mais c'est vraiment, je me suis... Tu vois, tu parlais de The River, Nebraska, et puis Born in the USA. Et en fait, après, j'ai arrêté, quoi. Tu vois, c'est enfin, je dis pas que c'est, tu vois, je suis d'accord, c'est un monument, il y a pas de souci là-dessus, etc., mais je suis passé vraiment à d'autres trucs, tu vois. Donc je me dis, quand j'entends Springsteen, je suis content de l'entendre, je trouve ça cool, etc. J'aurais certainement quelques Springsteen sur ma playlist California, tu vois, au milieu des grands espaces, etc., mais t'as lâché en 84. Voilà, mais j'ai lâché assez tôt, quoi, tu vois. OK. Donc si tu veux, je me souvenais de cet album, tu vois, Nebraska qui était sorti, mais je l'avais pas non plus écouté de manière complètement dingue, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le réécouter. J'ai trouvé ça étonnant d'entendre quelques versions, électrifiées de l'album. N'en dis pas trop, après le morceau. Roger, pour Springsteen. Ben, Springsteen, moi, je l'ai découvert de bonne heure dans les pubs des magazines que je lisais, Best, Rock and Folk, tout ça, dès 74, 15, 16. Sauf que ça m'a fait un peu comme à l'époque Patti Smith. Quand j'écoutais, je me disais, ça appartient au passé. Alors, du coup, j'écoutais d'autres choses, plus actuelles. Mais après, j'ai toujours écouté au passage, mais en restant, en me disant... Ah oui, il appartient au passé. Mais par contre, quand je l'écoute plus récemment, même à la boutique encore, quand t'es ouvert, je me dis... et puis de temps en temps, je relevais l'oreille, je dis, ah là, écoutez, il a quand même des belles chansons par moment. Ah ouais. Des belles chansons. Pourtant, je suis pas... Mais je me dis, ah là, il y a une belle chanson. Bon. Eh ben, on va se passer un morceau. Alors moi, ceux qui écoutent l'émission le savent, je suis un fan intégral de Springsteen. Alors... tous ses meilleurs albums pour moi sont jusqu'à Born in the USA, je suis un peu d'accord avec toi, mais je l'ai vu 10 fois en concert et c'est j'en ai vu. Tu me racontais à chaque fois. Ouais, généralement je me mettais derrière voilà, j'ai jamais vu, pourtant j'en ai enfilé des concerts hein, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien que Springsteen sur scène. Peut-être à part la dernière tournée où là c'était un peu plus cadré, un peu plus voilà, mais quand même 3 heures hein, papy. Donc bon, bah, je vais pas parler de Springsteen trop parce que vous me connaissez si je suis lancé, on va se passer Born in the USA, ce morceau assez incroyable puisque d'abord démo vraiment acoustique slide machin très là et puis après enregistré avec la grosse artillerie lourde, bah là c'est une version alternative entre les deux qui était pas sortie encore et où c'est un peu différent. Si vous connaissez le morceau ça ressemble pas vraiment et puis on parle de cet album électrique juste derrière. Malentendu du rock'n'roll ce morceau, puisque plus inspiré par Steinbeck et les laissés pour compte des États-Unis et repris par Reagan pour sa campagne électorale, donc le gars n'avait pas tout compris. À noter que Springsteen était un peu obsédé par Suicide et qu'il écoutait ça en boucle au moment de Nebraska. Ça s'entend sur certains morceaux de Nebraska, peut-être moins sur cet électrique-là. Est-ce qu'il a bien fait, messieurs, de mettre tout ça à la poubelle à l'époque, ou est-ce qu'il a bien fait de le ressortir maintenant ? Qu'en pensez-vous ? Oh bah là, en tout cas, avec cet extrait-là, on en discutait vraiment. C'est, pour moi, c'est un ratage. Fallait pas. Que, enfin, pour les fans, c'est super qu'il y ait ce morceau, mais pourquoi il l'a sorti autrement après? Bah, il y a bien une raison, quoi. C'est vraiment cette version-là. Pour moi, ça fonctionne, mais pas du tout. C'est pas tôt. Il hurle plus. Il crie très très bien, Bruce Springsteen, mais pas là. Là, il fait juste. Il se contente de crier. On entend pas le chant derrière. Enfin, ça, vraiment, la version pour moi, elle a absolument aucun intérêt. Alors, c'était peut-être la première. Puis justement, après, il a fait autre chose. C'est mais ça. Ouais, là vraiment c'est pas possible quoi. Et ça aurait pas, enfin je vois, en plus du coup je comprends pas trop, je comprends historiquement mais je comprends pas ce que ça fait sur le Nebraska parce que ça fait pas partie du disque original quoi. Voilà. Si alors en fait dans il a écrit tous ses morceaux à l'époque de Nebraska. Ouais, d'accord ça bien et sûr. Et il les a enregistrés à cette époque-là, il les a mis de côté et il les a ressortis. Il y a un tiers de l'album Born in the USA qui a été enregistré dans les sessions Nebraska. Il s'est dit c'est tellement pourri que je reprends le morceau. Et puis il avait une version beaucoup plus galvanisante qui est celui qu'on connaît sur l'album, l'album du même nom, mais qui est vraiment galvanisant pour le coup. C'est-à-dire et enregistré live, hein, la version de Born in the USA qu'on connaît, elle enregistrée live une prise. Ça c'est un truc qui t'emmène carrément, alors que là c'est vrai que ça t'emmène pas trop. Quoi. Voilà. Bah, je sais pas ce que t'en penses. Moi je dirais après, moi j'attends, j'écoute Monsieur Malon. Donc ouais, rapidement, je trouve que ça marche bof d'une manière générale. C'est un truc vraiment for fans only. C'est comme ça que j'ai fini de penser au truc après l'avoir écouté. Ça vraiment, j'y suis pas revenu. Je l'ai écouté une fois pour aujourd'hui et je me suis dit vraiment, c'est pas pour moi. Je suis pas suffisamment. Faut être fan hardcore pour avoir envie d'aller acheter ce truc-là. Après, ça marche très bien sur certains morceaux. Atlantic City, je trouve que la version elle est super. Par contre, la version d'Atlantic City qu'on a sur cette électrique, c'est celle qui va servir de matrice à toutes ces versions live des 30 années après quoi. Voilà, d'accord. Quand il fait sur scène, c'est cette version là. Et puis par contre ça marche pas du tout sur Born et puis sur Johnny 99, Johnny 99 où là on est vraiment dans la grosse artillerie lourdeau, hein. Vraiment on est dans le lourdeau pour moi, c'est pas possible. Et puis moi voilà, ce que j'aime dans Nebraska c'était ça, t'en parlais tout à l'heure, c'est le dépouillement. C'est la bande qui souffle, c'est le dépouillement et c'est le dépouillement y compris de sa voix où il est vraiment dans l'intime, on est avec lui quoi. Là moi il m'a perdu total quoi. Donc plutôt Team Nebraska premier album. Oui, complet. Oui. Monsieur Rob. Moi, pas mieux que Mathieu. Je suis vraiment, enfin, c'est le même sentiment, quoi. Tu vois, de en connaissant Nebraska, le côté justement très, très épuré, très sur la voix, dans l'émotion et dans le. Tu te dis, mais voilà, heureusement qu'il a pas sorti. Enfin, tu vois, heureusement qu'il a sorti Nebraska tel qu'on le connaît et qu'il a pas sorti cet album-là, parce que je pense que. Ça aurait été un truc un peu bancal, quoi, tu vois. Enfin, il n'y aurait pas eu la... Tu vois, entre The River et puis Born in the USA, tu vois, ce qui était intéressant, c'est tout d'un coup... C'est le parcours, ouais. Le mec, il livre un truc qui est extrêmement intime et il dit, voilà, j'en suis là. Enfin, tu vois, qui rappelle peut-être même un Johnny Cash, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Voilà, sans calcul aucun. Tout d'un coup, il habite un costume où il prend tout d'un coup... Puis après, ça part comme on le sait, quoi. Personne ne l'attendait avec ce Nebraska. Ah, personne, ouais. Surtout pas sa maison de disque. Ouais, c'est ça qui était génial. Roger. Ouais, bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça faisait un vide, parce que c'est vrai que c'était, on aurait dit, un Unplugged avant l'heure, quoi, avant tout ce qu'on a connu de Unplugged. Mais après, moi, je dirais que ça me dérange pas, mais c'est plus rock normal, quoi. Alors que c'est vrai que, bon, rien que pour Born in the USA, comme je dis, à l'époque, quand c'est sorti, je croyais que c'était un titre de Clash tellement c'était hargneux. Mais après, sur... Grand fan des Clash, d'ailleurs, un grand copain de Joe Strummer. Ouais, ouais. Sur il y a des titres un peu qui tendance rockab que je trouvais sympa. Et puis après, dans les balades, moi, j'ai du mal quand c'était acoustique, entre guillemets, mais il y a eu des morceaux qui restent balades électrifiées qui sont très belles, par exemple, je trouve. Voilà. Je te dirai plus les titres, parce que là, j'ai pas noté. Mais Marchand on the Hill ou des Oui, voilà, là ça m'intéresserait plus quelque part. Mais après oui, cette version après je pense que de toute façon cet album là comme on dit c'est pour les fans en premier quoi. On peut pas l'entendre comme un album qui sort en plus de Springsteen. C'est dans le moule de ce qu'a déjà été fait et puis si on le veut en plus pour entendre d'autres sortes de Springsteen voilà pourquoi. Alors là, il faut plutôt se reporter sur le Trax numéro 2 qui est sorti cette année là il y a vraiment 7 albums. Alors une compile un peu de morceaux par-ci par-là mais six vrais albums qu'il n'a jamais sortis, qui étaient enregistrés, etc. Country, soul, etc. Et qu'il a, entre justement Born in the USA et 2000, je ne sais plus combien. Et c'est des vrais, vrais albums. Et là, c'est assez bluffant, quoi, parce que c'était resté dans les tiroirs et c'est vraiment des vrais albums pas sortis à l'époque. Donc, si t'as aimé l'album avec les chevaux, je te conseille, Mathieu, d'aller poser une oreille là-dessus. Ça peut peut-être t'intéresser. Bon, voilà. Bon, alors moi, je suis fan, donc c'est un peu compliqué pour moi de dire. Ça ressemble pas quand même à des chutes de studio avec des bouts de ficelle où on te fait voilà, je trouve ça assez émouvant justement parce qu'on a une espèce de chaînon manquant. Alors je suis d'accord, hein, le Nebraska a vraiment plus d'ampleur dans sa petite chambre d'hôtel, mais il y a ce chaînon manquant et cette fragilité dans la puissance, c'est-à-dire qu'il essaye de faire passer ça en force et ça marche moins bien et on comprend pourquoi il l'a rangé. Et en même temps, moi je trouve que ça tient la route, le morceau Dumb Down Train qui était ensuite sur Born in the USA. Là il le joue effectivement, on voit qu'il a écouté les Clash, alors c'est pas les Clash, hein, mais qu'il était copain avec ça, et c'est assez émouvant de le voir. Bah il sent, voilà, tous ses potes commencent à partir, lui il commence à avoir de la bouteille, il commence à tout solder, à se retourner un petit peu. Et pour les fans comme moi qui le voient sur scène depuis 40 ans, ça a quelque chose de très très émouvant en fait, et d'assez sincère, je pense, dans sa démarche. Voilà, à dire que ça surpasse l'original, non. Mais voilà, ça m'a intéressé en tout cas. Bon, Born in the USA, non pas du tout. Nebraska Electric, c'était 1982. Et leur avance, donc ça va être ton... Tu as acheté le coffret ou pas du tout? Non, j'ai pas acheté le coffret parce qu'il est un petit peu cher, le coffret. Alors celui-là, Nebraska 82, oui, mais le Trax, ouais. Je crois que c'est 250 balles. Voilà, c'est un petit peu cher. On aurait pu se cotiser, les gars. Les gars, c'est Noël. Six albums, c'est pas cher. Oui, c'est ça, c'est pas cher, c'est vrai, c'est pas cher. Mais c'est pas dit que j'ai pas dit mon dernier mot, ah figurez-vous. Ouais. Noël approche. Noël approche. Roger, ton choix de musique. Alors, un choix surprenant. Ah oui. Ah bon. Là, on s'y attendait pas. Très surprenant. Ah oui. Donc, eh ben, je te laisse annoncer ce choix, mon cher Roger. Bah oui, tu me demandes mon titre et tout. Moi, je reste toujours sur Planète Claire. La vraie version, hein, on est d'accord. Ah oui, la vraie version. Parce que, de toute façon, c'est mon parcours. Je l'ai utilisé pendant 33 ans dans les soirées. Si je le passe pas, je me fais engueuler. On va croire que c'est pas toi. Oui. Voilà. Bon. Oui. Mais bon, après, c'est sûr, hein, il y a d'autres morceaux, tellement de titres qui me feraient plaisir. Comme je te disais, il y avait Inoxydable de Star Shooter, parce que ça représente aussi le vinyle qui est inoxydable. Peut-être comme la boutique, comme moi, voilà, comme disait Mathieu Dufault aussi, indestructible, ben, comme inoxydable ou tout ça. Mais c'est comme on disait au début, tu as tous ces morceaux, et puis il y a toujours un truc qui va surpasser. Donc je suis obligé de prendre celui qui surpasse, c'est Planète Claire des B-52. Alors est-ce que tu as eu une hésitation pour le nom de la boutique au moment où tu as ouvert entre Planète Claire et autre chose? Est-ce que ça a failli s'appeler, je ne sais pas. Ah, j'ai plein de noms. Ça a failli, tiens, celui qui me plaisait bien, c'était Moloko Plus, parce que je voulais un nom de boutique pris dans Orange Mécanique, qui reste mon film préféré. Et donc je l'ai re-regardé plein de fois, et puis à un moment je tombe dans le bar et tout, et je dis, ah, il boit un Moloko Plus. Je vais appeler ma boutique Moloko Plus. Alors je m'amusais, parce que je savais que j'allais ouvrir une boutique de 3 mois avant que je l'ouvre, et je m'amusais à utiliser le nom et à me dire, tiens, on va chez Moloko Plus ou quoi. Et puis après on fait un chèque à quel nom, parce qu'il y avait encore beaucoup de chèques à l'époque, et je dis Moloko Plus, et les gens m'auraient regardé en se disant c'est bizarre et tout. Et j'ai utilisé énormément de noms, hein. J'ai toujours la liste, hein. J'ai au moins 30 ou 40 noms de notre boutique. Mais un jour, j'étais avec des amis au Hall Châtelet, et puis ils me disent, qu'est-ce que t'as? Et je me suis arrêté, planté, et j'arrivais pas à dire, je l'ai. Et là, au bout de 3-4 minutes, j'ai dit, ça s'appellera Planète Claire. Et je n'ai jamais changé après. C'était parti, c'était plus que ça, je ne cherchais plus rien. C'était Planète Claire. Et je suis content parce que, ben ouais, 33 ans après, ben voilà, le titre que tu choisis encore, et puis j'ai aucun regret, au contraire, quoi. Bon, alors aucun regret, mais un peu de nostalgie pour nous quand même. Du coup, avant de lancer le morceau, est-ce qu'il y a une rencontre, la rencontre la plus improbable que tu as eue dans cette boutique? Je sais pas, un extraterrestre qui est rentré, je sais pas. Un ancien client aussi, beaucoup, et puis j'ai bien aimé quand il y a eu les... Ah, ce groupe-là où il y avait deux mecs, deux filles, un peu, les Nashville Pussy. Un copain me l'amène, et puis là, il y avait que les deux gars, malheureusement. Et le tout petit, il se plante devant la caisse, et il me fait, ah, là, et il y avait Abus dangereux, un magazine français, et ils étaient en couverture. Ah, et là, le mec, il dit, I want. Et donc ça, c'est un moment magique pour moi, quelque part. Ah oui, oui, c'est trop, quoi. Oui, oui, j'en avais tellement avec les clients, mais là, le mec d'Énergie le possible, en plus tout petit, puis le magazine, il est tout en haut. Ouais, c'était extraordinaire, ça. Bon, alors c'est parti, c'est Planète Claire, les B-52s, et puis après, ce sera le dernier album de Couige. Merci pour toutes ces 33 années, Roger. Merci à vous tous aussi. Merci, Roger. Je suis pas sur le bon morceau. Ça va pas du tout, c'est pas Planète Claire, ça. Enfin, c'est l'album. Ça, est-ce que ça te va quand même ou pas? Oui. Ça va, très bien. C'est Lava. Ça va. Lava. Yeah. quand même foirer l'envoi de Planète Claire, c'est grave hein, quand même. J'en envoie un petit bout quand même maintenant parce que ah voilà, on est d'accord. Ah oui, on est sur nous. Ah oui, là, on est d'accord. Une petite bise de Xavier dans l'instance, Xavier Hupp, qui a dit quelle émotion d'entendre la voix de Roger. On se croirait rue Croix de Malte. Donc voilà. Et David Bosque a dit c'est bien que tu te sois trompé de morceau, ça permet de découvrir d'autres morceaux de l'album. C'était pas fait exprès. Disait, mais, tout est quand même. Tout est pas mal. Les deux premiers c'est fabuleux. Puis après d'autres titres comme on disait avec Mathieu. C'était le choix de Roger et Planète Claire. C'était Planète Claire donc, et vous êtes toujours dans Quij. Il reste 12 minutes dans cette émission et nous allons passer au dernier album que je vous avais demandé de ouïr dans Quij. C'est l'album d'Other Lives qui s'appelle Volume 5, ce groupe de l'Oklahoma qui compte jusqu'à 12 musiciens sur scène parfois. Il y a parfois du monde. Album un peu surprenant par rapport à ce qu'ils ont sorti avant, on n'en dira pas plus. Ils ont fait pas mal de premières parties, dont celle de Radiohead il y a bien longtemps. Et ça s'entend peut-être sur certains morceaux de cet album. Ça convoque à la fois, c'est un groupe folk americana, et puis un peu aussi des New Morricone. Parfois, décidément, il est très présent ce soir. Ouais. Que connaissiez-vous de Other Lives, messieurs, avant d'écouter cet album, cinquième album, donc? Ben moi, le précédent, juste, j'ai entendu le précédent à l'occasion de leur venue à Orléans, je crois que ça. C'était sur le précédent, je crois. C'est ça. Ouais, voilà. Donc j'avais écouté l'album. J'ai pas pu aller au concert, mais on m'a dit énormément de bien. J'avais un copain qui m'a dit que c'était vraiment super. J'ai regretté beaucoup. Mais voilà. Sinon, je connais pas grand chose de plus. Je connais pas les albums d'avant, par exemple. D'accord. Bah, du coup, Monsieur Rome. Bah oui, ils sont venus. Je crois que c'était en 22 qu'ils sont venus à l'Astro. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah un concert absolument dingue, quoi. Exceptionnel. Tu vas nous agacer là. Ah, non, mais tu sais, c'était dans le club. Et puis les concerts dans le club, c'est quand même une saveur un peu particulière. Ils étaient 12 dans le club? Non, ils n'étaient pas 12. Je n'ai pas souvenir combien ils étaient vraiment. Mais bon, ils devaient bien être au moins 6 ou 7. Quoi. C'était quand même son nombre. 6, ouais. Mais voilà, vraiment. Moi, je ne connaissais pas avant, tu vois. C'est vraiment dans le fait qu'on nous les propose et qu'on découvre justement leur musique. Et pour le coup, c'est vraiment... Il y a plein de morceaux extrêmement têtants, une production qui est juste absolument dingue, je trouve. Tu parlais d'Americana. Moi, je suis assez sensible justement à ce type de musique et je trouve qu'ils arrivent à la traiter d'une manière, pour le coup, vraiment... avec de la nuance, avec de la profondeur. Ne dévoile pas trop. Après le morceau, ne dévoile pas trop. Voilà. Roger. Comment dire? Tu étais dans le club? Ouais, j'y étais, mais je crois que je me souviens plus de la première partie, même si je sais plus le nom du groupe. Ah, c'était un mec? Non, c'était. Je n'arrive pas à me souvenir. Mais bon, il me semble que c'est ça. Et. Un mec tout seul. Par contre, en disque, à la limite, je préfère en disque. Mais alors juste, est-ce que tu connaissais, c'est ça? On va envoyer le morceau et après on en parle. Non, j'avais pas souvenir. Ok. Eh ben on se passe un morceau de l'album. C'est pas un peu dur de choisir aussi. What's It Gonna Take, c'est peut-être un des tubes de l'album. Et ensuite on dit ce qu'on en pense, en bien ou en mal. Yeah. C'est un extrait de l'album d'Other Lives, l'album volume 5. Qu'en avez-vous pensé, messieurs, de cet album? Roger, tiens, tu commences à expliquer, vas-y, c'est parti. Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai pas souvent trouvé ça très, très rock, mais des beaux trucs folk, pop tranquille. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, il y a un morceau beaucoup plus loin qui est un côté un petit peu Radiohead dans l'ambiance. Si ça. Pas la voix, très, très ouais. Radiohead. Voilà. On est obligé d'y penser quelque part quand on connaît plein de choses. Voilà. Mais j'attends pas du Radiohead par autre chose. Mais ça, et puis il y a des morceaux aussi, des chansons où il y a un petit côté noisy dans le son, malgré tout, les guitares qui sont là, un peu, qui vont se battre. Mais je trouve que ça se tient pas, c'est assez diversifié. Je peux pas dire que ça se tient pas, mais parce qu'ils font un album à leur goût et puis tout s'enchaîne, voilà. Mais c'est un peu disparate, mais ça fait un album sympa quand même à écouter. Hein. Oui. C'est ce que j'ai écouté à la limite le plus des quatre chroniques. Mmh. Ok. Voilà. Mathieu? Oui, c'est peut-être aussi ce qui pourrait être le plus dans ma famille de musique, de ce que j'aime, hein, ce disque-là des quatre. Donc, je sais pas. Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est que de tous, là, 31 minutes, ça fait du bien. C'est vraiment un temps de faire autre chose dans ta vie. Ah, c'est un bon format, c'est vraiment super. Les morceaux, ils sont bien. Justement, c'est bien construit parce que... pour le vinyle. Voilà, quand ça s'arrête, Versailles, là, c'est vraiment très bien, ce morceau. Arcade Fire, quoi, là, vraiment, il y a ce truc. La chorale, bon, là on en a parlé en off aussi, il y a peut-être un peu trop de... Là on entendait dans l'extrait que t'as mis, j'ai l'impression d'entendre Abba derrière dans les chœurs, tu vois, un peu comme... donc voilà, je faut aller voir ton ORL là, tu entends Abba. Mais tu l'entends que là ou tu l'entends toujours Abba? Ah oui, d'accord. Tu vois ces trucs-là, tu les entends pas au milieu de la nuit, je veux dire, juste quand t'écoutes... Ça m'arrive rarement, mais si ça m'arrive, je t'appelle. Ouais. voilà, après j'ai franchement... Aussi, je suis sorti en me disant, je sais pas ce que je vais pouvoir dire. C'est pas que c'est pas bien, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je sais pas, hélas, comment ça dire. Ça t'a laissé froid. Ouais, vraiment. Totalement froid. Donc tu étais un peu emmerdé ce soir avec mes albums, hein. Ouais, moi, je t'ai pas beaucoup gâté, là. Non, je me suis pas emmerdé. Et puis, il y a une espèce de fil conducteur quand même. Et puis, avec, ça rejoint Mika Peinsan, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il a enregistré en Italie avec un orchestre symphonique. Et là, voilà, il y a encore ce truc de Morricone. Oui. On est un peu dans Morricone l'époque. Ce soir. Donc ça, c'est bien, hein. Je veux dire, c'est des mecs qui savent arranger des chansons. C'est hyper bien fait. Mais, je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est peut-être un peu trop poli pour moi. Monsieur Rob. Bah, comme il le disait, une sacrée bande de hippies quand même, hein, tu vois. Donc des hippies un peu classe, tu vois. Non, moi, j'ai apprécié écouter cet album pour le coup par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a vraiment une histoire. Et que, comme tu dis, l'histoire est pas trop longue en plus, donc c'est plutôt cool. Et moi, ça me donne au contraire envie de d'approfondir. Enfin, je l'ai écouté une ou deux fois également. Enfin, deux fois, je crois. Et voilà, moi, c'est des artistes que j'ai apprécié dès que je les ai écoutés. Je connais pas encore vraiment l'album, hein, tu vois. Ça, c'est faut forcément l'écouter plusieurs fois pour vraiment l'emmagasiner, l'apprécier au mieux. Donc bah voilà, j'espère qu'on aura la chance peut-être de les accueillir un de ces quatre, voilà, pour cet album. Ça revient ça. Mais voilà, j'aime bien l'esprit, j'aime bien la manière dont ils travaillent, peut-être ce que dit Mathieu à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a des fois un peu trop de voilà. Je le fais assez mal, mais peut-être que ça voilà, il y a une sorte de logique où trop d'arrangements tue l'arrangement en quelque sorte. Mais voilà, ça reste un album, je pense, un des meilleurs pour moi de la sélection de ce soir, quoi, on va dire. Peut-être aussi quand même. Mais à côté de ça, il y a une vraie voix aussi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu plusieurs fois un peu dans le côté américain, Grant Lee Buffalo. J'ai retrouvé dans le grain de la voix. Et très bon album qui vient de sortir d'ailleurs. Voilà, moi, j'adore Grant Lee Buffalo. Et donc voilà, quand ils vont vers ça et quand la voix porte vers ça, j'ai trouvé que c'est beau. Il y a Show Us Some Love, voilà, qui est ma préf de l'album pour ça, pour cette espèce de vrai truc américain. Eh ben moi j'adore cet album, c'est vraiment mon préféré des quatre. Vraiment il m'a emmené, il y a tout pour mettre sur le côté parce que ça peut être effectivement grandiloquent. Léa, généralement Jérémia, je sais jamais qui vient de sortir un album là. Léa, on sait pas possible. Et il y a tout pour être chantilly, mousseux, grandiloquent, etc. Et moi je trouve qu'ils réussissent vraiment ce que parfois rate des Simonet, c'est-à-dire que là je trouve que tout est à peu près dosé, je trouve ça magnifique. Dans les moments où on pourrait commencer à se dire, bon, allez, c'est bon, hop, ils mettent un petit truc qui réveille et qui est un peu différent du reste et qui nous emmène. Je trouve que c'est un album vraiment, vraiment magnifique, maîtrisé de bout en bout. Moi, ça m'a enchanté, cet album. Et c'est celui que j'écoute le plus des quatre, largement. C'est le meilleur des quatre, je crois, vraiment. C'est-à-dire que faut le découvrir chaque titre à chaque fois. Ouais, alors en même temps chaque titre est parce que chaque titre est cohérent, chaque titre est bien, mais chaque titre est cohérent dans l'album. Et ça, je trouve que c'est super fort, quoi. Mais c'est pas un sucre d'orge comme j'ai expliqué tout à l'heure. Non, là c'est sucre lent. Moi, ça me fait un effet allant. Et plus je l'écoute, plus je l'aime. Donc ça, c'est plutôt ouais, un bon signe. C'est exactement ça. Je pense que c'est un album. Plus tu l'écoutes, plus tu l'adoptes ou tu le, je sais pas, tu. Bah quand on écoute beaucoup de choses aussi, faut nous trouver. Et si on nous trouve pas du premier coup, ben quelque part, ça nous intrigue. Et là, on est obligé de revenir dessus. Et puis on découvre, et puis quand on découvre, des fois on se dit oh, c'est bien ça. Mais t'as des morceaux bon bec des fois. Tu vois, tu dis ce morceau-là, tac, tu l'écoutes, il va te plaire, tu vas l'écouter pendant 15 jours à fond la caisse, puis après, tu vois. Là, je pense que tu rentres dans quelque chose, effectivement, où. Moi, j'ai vu un peu ce truc-là avec un groupe belge qui s'appelait Dansan, qui il y a quelques. Je crois qu'ils d'ailleurs, ils avaient fait un album qui s'appelait America. Et qui est un album, tu vois, qu'on avait dû les faire au pop-up dans les 2016 ou 2017 peut-être. Et c'est un album, je l'écoute encore tellement je le trouve magnifique, quoi. Donc, et c'est un peu, voilà, on est un peu dans cette lignée-là, tu vois, d'une musique un peu cool, un peu, voilà, c'est cinématographique également. Ouais, très cinématographique. Voilà, tu vois, il y a un truc qui t'emmène vraiment, quoi. Mais je pense que c'est un grand album, ouais, qui mérite vraiment d'être écouté. On parlait d'Arcade Fire. Il y a un cousinage parfois, mais alors Arcade Fire, moi, ça m'emmerde copieusement, régulièrement. Depuis quelques temps. Faut que j'y retourne, mais j'ai du mal, un peu. Les premiers, c'était magique. Les premières tournées, tout ça, c'est phénoménal, quoi. Oui, les premiers, oui. Bon, d'accord, ok. Non, les premiers, j'ai mis vite. Après, j'ai pas. Je suis d'accord. Après, j'ai vraiment pas. Bon, les premiers, oui. Bon, mais quand même. Mais là, je préfère ça, moi, personnellement. En tout cas, moi, voilà, s'il y en a un sur lequel je reviendrai peut-être, c'est celui-là, ce soir. Et puis dans le club, là, l'Astro à 12, ça va être très, très bien. À 12 on les met dans là où est le public d'habitude, puis nous, on est sur scène. Donc, c'était Other Lives, l'album volume 5. On vous le conseille quand même un petit peu, celui-là. Enfin, moi, je vous le conseille fortement. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les trois réunis. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci, Manu. La prochaine quiz, ce sera le 19 janvier. Il y aura une chanteuse, il y aura un guitariste et il y aura un claviériste qui vont ici chroniquer. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Je devais finir l'émission avec un extrait de l'album d'Elise Zoé qui passera à l'Astrolab en 2026. Oui. Il y aura une interview dans The Rocks d'Elise Zoé. C'était le morceau Change My Name qui pour moi est un truc de dingo quand même ce morceau, mais c'est un peu long, donc je me le réserve pour mon émission Best Of de la semaine prochaine, puisque ce sera ma petite liste. Mathieu, moi aussi j'aime bien les petites listes, et bien moi ça sera la semaine prochaine dans On The Rocks, et puis plein de choses à venir en 2026, peut-être une émission spéciale Astro, j'attends la réponse de Marion, Monsieur Duff, tout ça qui viennent nous parler de la suite de 2026, de la prog, et puis il y aura une émission, une battle avec Sylvain Trémaud des Soccer Fever sur le thème rock et facho. Je pense qu'on va s'amuser avant d'en pleurer. On va se passer, allez, Dog of the Bay, Otis Redding, puisque Steve Cropper a quand même cassé sa pipe et il a coécrit ce morceau quand même. Et grand monsieur qui vient de partir, plongez-vous dans ce qu'il a fait, Steve Cropper, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc ça, je vous fais pas découvrir, mais ça me permet de vous abandonner sur le rivage avec la plage. Bonsoir, messieurs. À bientôt. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock.